15 juillet 1999. L'enseignement sur le Dhamma portera sur le deuxième facteur de renforcement des facultés de contrôle. Hier, je vous ai parlé du premier facteur. Ce premier facteur consistait à diriger l'attention pendant la méditation sur l'aspect cessation des phénomènes. Le deuxième facteur de renforcement consiste à se comporter de façon respectueuse et attentive, de façon à percevoir vraiment la dissolution. Il faudra donc que le méditant note avec respect et attention. Noter de façon respectueuse veut dire que le méditant doit se comporter de façon composée et délicate. Tous ces mouvements devront être effectués lentement. Noter attentivement signifie qu'il faut noter à l'instant précis où le phénomène se manifeste. D'autre part, cela veut également dire que l'observation doit se faire au niveau de la réalité ultime. Je vais maintenant vous expliquer comment vous devez vous y prendre pour noter de façon respectueuse et attentive lorsque vous méditez en posture assise. Si vous suivez les instructions du Vénérable Mahasi Sayadaw, ce qui est votre cas à vous qui êtes ici, vous allez tout d'abord choisir un endroit calme et isolé. Vous allez ensuite vous trouver une posture confortable dans laquelle vous puissiez méditer longtemps en maintenant votre tête et votre dos bien droit. Vous fermez les yeux et vous dirigez votre attention sur les mouvements de l'abdomen. Chaque fois que l'air pénètre dans votre corps, chaque fois que vous inspirez, vous constatez que votre abdomen se dilate. Vous devez observer ce mouvement de dilatation du début à la fin. Vous ne devez pas être distrait. De même, lorsque l'air est expulsé du corps au moment de l'expiration, vous constatez que l'abdomen se contracte, s'abaisse. C'est ce mouvement de contraction, d'abaissement que vous devez observer du début à la fin, sans être distrait. Ces deux mouvements, soulèvement et abaissement, doivent donc être observés très attentivement pendant toute la durée du processus. Au moment de l'inspiration, vous allez constater donc que votre abdomen se dilate progressivement. Vous devez être capable d'observer ce mouvement de dilatation tel qu'il se produit étape par étape. Pour y arriver, vous devrez observer très attentivement. Il faut également que vous essayiez de ne pas vous focaliser sur la forme extérieure de l'abdomen. Essayez de ne pas conceptualiser l'abdomen qui se soulève. Dans la méditation vipassana, on ne s'occupe pas des concepts. Ce que l'on observe, c'est la nature du phénomène. La nature du phénomène, c'est la réalité ultime, c'est ce qui se passe vraiment au moment de l'inspiration. L'abdomen va donc se soulever, se dilater, et vous allez ressentir une sensation de pression, de dilatation, de dureté éventuellement dans l'abdomen. Ce sont toutes ces sensations de dureté, de poussée, de dilatation, qui sont la réalité ultime. C'est la nature de ces choses. Vous allez donc observer ces phénomènes au niveau de la réalité ultime. Vous observez la nature de ces phénomènes et vous notez soulèvement, soulèvement. Mais lorsque vous notez ainsi soulèvement, soulèvement, Cela ne veut pas dire que vous deviez étiqueter ce processus. Noter soulèvement, cela veut dire qu'il faut simplement prendre conscience du phénomène. Lorsque vous allez observer l'abaissement de l'abdomen, vous devrez procéder de la même façon. Vous devrez essayer d'ignorer la forme physique de l'abdomen qui s'abaisse, car cette apparence extérieure est un concept. Il faut donc éviter de conceptualiser l'abdomen qui s'abaisse, car Vipassana ne s'occupe pas des concepts. Lorsque l'air est expulsé du corps, l'abaissement de l'abdomen se produit étape par étape. Vous pourrez voir que l'abdomen s'abaisse progressivement. En réalité, il y a toute une série de mouvements d'abaissement qui se produisent les uns après les autres. Si vous arrivez à voir cette série de petits mouvements vers le bas, cela veut dire que vous observez la réalité ultime de ce processus d'abaissement. Vous observez la nature de l'abaissement. Une fois de plus, il n'est pas nécessaire d'étiqueter ce mouvement d'abaissement, de verbaliser. Il faut simplement prendre conscience du phénomène. C'est ce que l'on appelle noter. Si vous n'arrivez pas à calmer votre esprit en notant ainsi ces deux mouvements, soulèvement et abaissement, vous pouvez ajouter un troisième objet. Vous devrez alors noter de la façon suivante, soulèvement, abaissement, toucher. Lorsque vous notez toucher, vous ne devez pas non plus vous concentrer sur la forme extérieure du corps, car cette forme extérieure est un concept, et Vipassana ne s'occupe pas des concepts. Lorsque vous contemplez le toucher, le contact de votre corps avec le sol, vous allez ressentir une sensation de dureté et éventuellement une sensation de chaleur. Ces sensations de dureté et de chaleur sont la réalité ultime. Et c'est cette réalité ultime que vous devez observer. La dureté relève de l'élémentaire, patavi dhatu. La chaleur relève de l'élément feu, tejo dhatu. Vous allez donc observer ces sensations de dureté et de chaleur et vous notez toucher. Si en observant ainsi ces trois objets, vous n'arrivez toujours pas à calmer votre esprit, vous pouvez ajouter un quatrième objet et vous noter de la façon suivante, soulèvement, abaissement, assis, toucher. Vous avez maintenant quatre points à observer. Lorsque vous observez la posture assise et que vous notez assis, essayez de vous désolidariser de l'apparence extérieure de votre tête, de vos bras, de vos mains, de vos jambes, de votre corps. La forme extérieure, la forme matérielle est un concept. Et dans Vipassana, on n'observe pas des concepts. Ce que l'on observe, c'est la réalité ultime. Avant de passer à la posture assise, il y a dans votre esprit l'intention de vous asseoir. L'élément air qui est associé à cette intention va exercer une certaine poussée qui va elle-même provoquer un durcissement. Cette sensation de dureté, c'est la réalité ultime. C'est la nature du processus. Et dans Vipassana, c'est la nature des processus qu'il faut s'efforcer d'observer le plus attentivement possible. Si cette façon de noter vous convient, vous pouvez l'adopter. Mais si ce n'est pas ce qu'il vous faut, vous pouvez passer à la note en trois points. Soulèvement, abaissement, toucher. Si vous arrivez à développer votre concentration en notant ainsi trois points, vous pouvez procéder de cette façon. Mais si vous pensez que vous avez de meilleurs résultats en ne notant que deux objets, vous pouvez alors simplement noter soulèvement, abaissement. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Le but, c'est simplement de construire le samadhi. La méthode n'est pas importante en elle-même. Voyons maintenant en détail en quoi consistent les cinq premiers stades de connaissance vipassana. Je vais vous décrire ces cinq premières étapes de façon à ce que vous puissiez juger par vous-même de votre état d'avancement. Au début de la pratique, vous allez donc noter soulèvement, abaissement, assis, toucher. Vous ne verrez encore rien de spécial, mais plus votre concentration va se développer, plus elle va devenir puissante, plus les connaissances vipassana vont se manifester. Vous commencez à voir clairement que le mouvement de soulèvement est une chose et que la conscience qui note ce soulèvement est autre chose. De même pour l'abaissement, vous constatez que ce mouvement d'abaissement est un processus distinct de la conscience qui note ce mouvement. Et lorsque vous observez la posture assise, vous voyez qu'il y a d'une part le processus physique et d'autre part le processus mental, c'est-à-dire la conscience de cette posture assise. Et lorsque vous notez « toucher », vous voyez qu'il y a d'une part la sensation physique du toucher qui appartient à la matière et d'autre part la conscience de ce toucher qui est un processus appartenant à l'esprit. Chaque fois que vous notez, vous êtes donc en mesure de voir deux choses, d'une part le processus physique et d'autre part le processus mental. On dit alors que vous comprenez analytiquement qu'il y a toujours deux processus qui apparaissent en association. Vous êtes capable de faire la différence entre le mouvement du corps, c'est le processus physique, et la conscience de ce mouvement, qui est le processus mental. Vous allez poursuivre votre observation, et petit à petit, vous allez voir clairement que tous ces comportements physiques, le soulèvement, l'abaissement, la posture assise et le toucher, sont des phénomènes dépourvus de conscience. Vous comprenez que ce sont là des processus qui appartiennent à la matière, au domaine physique. Alors que l'esprit qui note tous ces comportements, le soulèvement, l'abaissement, la posture assise et le toucher, cet esprit qui note est conscient, lui, de tous ces comportements du corps. C'est donc un processus mental qui appartient à l'esprit. Vous comprenez qu'en vous, il n'y a rien d'autre que ces deux choses, des processus appartenant soit à l'esprit, soit à la matière. Les agrégats qui vous constituent ne sont qu'un ensemble de processus physiques et mentaux. Il n'y a rien d'autre à trouver en dehors de ces deux choses. Il n'y a pas de personnalité, pas d'ego. Comprendre analytiquement qu'il n'y a en soi que des processus physiques et des processus mentaux, expérimenter l'absence de personnalité ou d'ego, c'est réaliser la première connaissance vipassana, la connaissance qui résulte de la différenciation entre l'esprit et la matière. On parle parfois de la connaissance analytique de l'esprit et de la matière. En pali, Nama, Rupa, Paricheda, Jnana. C'est la première connaissance vipassana. Dès le moment où vous aurez compris analytiquement, par expérience, qu'en dehors des processus physiques et des processus mentaux, il n'y a rien à trouver dans vos agrégats, dans vos khandhas, autrement dit, savoir que la personnalité, l'ego n'existe pas, signifie que vous avez réussi à éradiquer l'idée fausse qui vous fait croire en l'existence réelle de la personnalité, vous n'y croyez plus. Vous utilisez cependant encore toujours les notions de « je »,« mien », mais comme vous avez franchi maintenant cette première étape de connaissance vipassana, vous savez que ces choses n'existent pas réellement, vous les utilisez simplement pour pouvoir communiquer avec les autres. Le fait d'abandonner la croyance en la personnalité constitue le fondement à partir duquel vous allez pouvoir fermer définitivement les portes des quatre mondes inférieurs. Ceci termine l'explication de la première connaissance vipassana. Voyons maintenant en quoi consiste la deuxième de ces connaissances. Vous continuez à noter les mouvements de soulèvement, d'abaissement de l'abdomen, la posture assise et le toucher. Votre concentration continue à se développer, elle devient plus puissante et plus mûre, et vous commencez à comprendre que si l'esprit est capable de noter tous ces mouvements du corps, c'est parce que ces mouvements physiques ont eu lieu dans un premier temps. Vous voyez que ces mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, la posture assise et le toucher, qui sont tous des processus physiques, sont la cause et que l'esprit qui note tous ces processus physiques, les différentes consciences de ces processus, sont les effets. Vous comprenez ainsi les causes et les effets. Avoir la connaissance des causes et des effets, c'est réaliser la deuxième connaissance vipassana, la connaissance qui discerne le lien de causalité entre l'esprit et la matière. En général, on dit la connaissance des causes et des effets, Pekeya Parigaha Jnana en pali. Voyons maintenant en quoi consiste la troisième étape. Lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, à ce stade, vous êtes en mesure de percevoir le début, le milieu et la fin de ces deux mouvements. Vous allez expérimenter le début, le milieu et la fin du mouvement de soulèvement et ensuite l'arrêt à la fin du processus. Vous en concluez que ce mouvement n'est pas permanent. De même, lorsque vous observez le mouvement d'abaissement, vous êtes capable de voir le début, le milieu et la fin de ce mouvement. Ensuite, vous voyez que ce mouvement s'arrête. Vous voyez la disparition de ce mouvement à la fin du processus. Vous savez donc maintenant qu'aucun de ces mouvements n'est permanent, ni le mouvement de soulèvement, ni le mouvement d'abaissement. En pali, l'impermanence se dit anicca. Comprendre l'impermanence par expérience personnelle, c'est réaliser la troisième connaissance vipassana, appelée en pali samasana jnana, la connaissance de la compréhension. C'est parce que vous avez compris par expérience personnelle que vous avez franchi ce troisième stade. Vous expérimentez donc maintenant les mouvements de soulèvement et d'abaissement dans leur totalité. Vous les voyez apparaître, durer un instant et disparaître. Vous expérimentez l'absence de soulèvement et l'absence d'abaissement à la fin de ces deux processus. Vous voyez anicca, l'impermanence, et vous réalisez cette impermanence par compréhension. Ceci termine l'explication du troisième stade de connaissance vipassana. Parlons maintenant du quatrième stade. Vous continuez à observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous voyez maintenant très clairement le début et la fin de ces deux mouvements. Vous voyez très clairement le début du soulèvement et la fin du soulèvement, le début de l'abaissement et la fin de l'abaissement. Le début, c'est l'apparition, la fin, c'est la disparition. C'est de cette façon que le méditant commence à percevoir les apparitions et les disparitions des phénomènes. Expérimenter ainsi les apparitions et les disparitions, c'est réaliser la quatrième étape de connaissance vipassana, Udaya Beya Jnana. Le méditant poursuit son effort, sa concentration mûrit, devient plus forte et plus puissante, et lorsqu'il note le mouvement de soulèvement de l'abdomen, il constate que son observation se fait en pointillé, par segments successifs. De même, lorsqu'il observe le mouvement d'abaissement, il constate que son observation se fait en pointillé. Il voit ce mouvement d'abaissement se produire par segments successifs. Voir ainsi le processus des apparitions et des disparitions au moment où l'on observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est réaliser le stade de maturité de Udaya Beya Jnana. Le méditant a atteint alors la phase de maturité de Udaya Beya Jnana. Ceci termine l'explication du quatrième stade de connaissance vipassana. Au cinquième stade, le début du mouvement de soulèvement ne va pas apparaître au méditant de façon très claire. Par contre, ce qu'il voit très lucidement, c'est la fin de ce mouvement. Le méditant voit clairement qu'à la fin du processus, le soulèvement disparaît furtivement. De même, lorsqu'il observe le mouvement d'abaissement de l'abdomen, il ne voit pas clairement le début de ce mouvement. La seule chose qui lui apparaît de façon claire et précise, c'est la fin du mouvement d'abaissement. Il est capable d'expérimenter la disparition furtive de ce mouvement d'abaissement à la fin du processus. Lorsque tout ceci se produit dans sa méditation et que le méditant ne perçoit plus que la dissolution des processus qu'il observe, cela veut dire qu'il a atteint le cinquième stade de connaissance vipassana, Bhanga Jnana, le stade de la dissolution. Le méditant poursuit sa pratique, sa concentration mûrit, devient encore plus profonde et plus puissante, et chaque fois qu'il observe le mouvement de soulèvement, il voit les disparitions successives de ce mouvement, étape par étape. Il voit une série de dissolutions se produisant successivement tout au long de du soulèvement. Et lorsqu'il observe l'abaissement de l'abdomen, il est également en mesure de voir maintenant que ce mouvement d'abaissement est en réalité constitué d'une série de mouvements d'abaissement qui disparaissent furtivement les uns après les autres. À ce stade, le méditant est capable d'expérimenter le processus des dissolutions. À force d'observer, sa concentration s'approfondit encore et il est bientôt en mesure de voir que c'est non seulement le mouvement physique qui est impermanent, mais également la conscience qui note ce mouvement physique. Il commence ainsi à réaliser que ni l'esprit ni la matière ne sont des processus permanents. Ici se termine l'enseignement qui portait sur les cinq premières étapes de connaissance vipassana et la façon dont le méditant va les franchir lorsqu'il médite en posture assise. Nous allons maintenant expliquer comment il faut procéder pour noter pendant la marche. Il y a quatre façons de noter lorsqu'on pratique la méditation en marche. On fait une note à chaque pas. On fait deux notes à chaque pas. On fait trois notes à chaque pas. Et quatrièmement, on fait 6 notes à chaque pas. Voyons le premier cas, une note à chaque pas. Le méditant doit noter gauche lorsque le pied gauche s'avance, droite lorsque le pied droit s'avance. Il doit essayer de ne pas se concentrer sur la forme extérieure du pied, sur son apparence extérieure, car cette apparence extérieure est un concept, et dans Vipassana, on ne s'occupe pas des concepts. Il faut essayer de percevoir le mouvement progressif vers l'avant, car ce mouvement, c'est la réalité ultime. Il faut donc essayer de se concentrer sur la sensation de mouvement vers l'avant du pied gauche. De même, lorsque l'on va observer le pied droit qui s'avance, il faut essayer de se désolidariser de la forme extérieure du pied. Il ne faut pas s'attarder sur l'apparence extérieure, car l'apparence extérieure, c'est un concept, et dans Vipassana, on ne s'occupe pas des concepts. Ce dont on s'occupe, ce que l'on observe dans Vipassana, c'est la sensation de mouvement, ce mouvement progressif étant la réalité ultime. Quand on pratique Vipassana, il faut essayer de se focaliser sur la réalité ultime. Voyons maintenant le deuxième cas, le méditant fait 2 notes à chaque pas. Il va noter lever, abaisser, lever, abaisser. Lorsqu'il observe le mouvement d'élévation du pied, de nouveau, il doit se désolidariser de la forme extérieure, car la forme extérieure, l'apparence, est un concept, et dans Vipassana, il n'est pas question d'observer les concepts. Ce que l'on observe dans Vipassana, c'est la nature réelle des choses, c'est-à-dire la sensation d'élévation progressive qui se produit au moment où le pied s'élève. De même, lorsqu'il abaisse le pied, le méditant doit essayer de se désolidariser de la forme extérieure du pied. Cette apparence extérieure étant un concept, et les concepts ne sont pas observés dans la méditation Vipassana. Ce qu'il faut observer, c'est le mouvement graduel d'abaissement du pied. Ce mouvement graduel vers le bas, c'est la réalité ultime. Dans Vipassana, on s'efforce d'observer le plus attentivement possible la réalité ultime. Voyons maintenant le troisième cas, le méditant fait 3 notes à chaque pas. En réalité, c'est ce que vous faites pour le moment. Vous notez lever, avancer, abaisser. De nouveau, il faut essayer de se désolidariser de la forme physique du pied, de l'apparence extérieure. Il faut observer de façon très attentive et concentrée ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire le mouvement graduel d'élévation du pied. Ensuite, la sensation de mouvement vers l'avant. Et enfin, la sensation de mouvement vers le bas. Ce sont donc ces différentes sensations qui doivent être observées. Il ne faut pas se focaliser sur l'apparence extérieure, mais bien sur ce qui se passe réellement au moment de la marche. Ce qui est vu de l'extérieur est une conceptualisation. Dans la méditation Vipassana, on n'observe pas les concepts. On se focalise le plus attentivement possible sur ce qui se passe. En réalité, à l'intérieur, c'est-à-dire la sensation de mouvement. Lorsque vous serez devenu capable de vous détacher de cette apparence extérieure et de tourner votre regard vers l'intérieur, vers la sensation de mouvement d'élévation au moment où le pied s'élève, lorsque donc vous serez devenu capable d'observer la réalité ultime, en vous focalisant très attentivement sur les différentes phases de ce mouvement à l'instant précis où elles se produisent, vous expérimenterez en même temps que ce mouvement d'élévation du pied une sensation grandissante de légèreté. De même, lorsque vous allez observer le mouvement d'avancement du pied et que vous n'observez plus ce mouvement de l'extérieur, que vous vous êtes désolidarisé de l'apparence extérieure du pied, pour vous observer ce mouvement de l'intérieur, et que vous êtes capable de ressentir la sensation de mouvement progressif vers l'avant, en notant chaque fois les différentes étapes de ce mouvement au moment précis où elles se produisent, vous expérimenterez, en plus de cette sensation de mouvement vers l'avant, une sensation grandissante de légèreté. Cette sensation de légèreté est automatiquement associée au mouvement vers l'avant. Tout cela, vous allez l'expérimenter par vous-même. Et enfin, lorsque vous vous concentrerez sur le mouvement d'abaissement du pied et que vous êtes capable d'ignorer l'apparence extérieure, le concept, pour vous focaliser très attentivement sur la sensation de mouvement vers le bas, en notant chaque fois les différentes étapes de cet abaissement, à l'instant même où elles se produisent, vous expérimenterez non seulement la sensation d'abaissement, étape par étape, mais également une sensation grandissante d'alourdissement. Cette sensation de lourdeur est automatiquement associée au mouvement vers le bas. Expérimenter la légèreté au moment où le pied s'élève et au moment où il s'avance, c'est expérimenter l'élément feu et l'élément air, Tejo Dhatu et Vayo Dhatu. Expérimenter la lourdeur au moment où le pied s'abaisse, c'est expérimenter l'élément terre et l'élément eau, Patavi Dhatu et Apo Dhatu. Vous avez donc commencé maintenant à expérimenter les quatre grands éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et si vous avez réussi à expérimenter ces quatre grands éléments, c'est parce que vous avez appliqué correctement les instructions pour la méditation. Ici se terminent les instructions à propos de la façon dont il faut procéder lorsqu'on fait trois notes à chaque pas. Voyons maintenant comment il faut s'y prendre pour faire six notes à chaque pas. La première façon de faire six notes à chaque pas consiste à décomposer les trois phases du pas en début et fin. Vous notez le début de l'élévation et la fin de l'élévation, le début de l'avancement et la fin de l'avancement, le début de l'abaissement et la fin de l'abaissement. En tout, cela fait six notes à chaque pas. Le début de l'élévation, c'est le moment où le talon décolle du sol. La fin de l'élévation, c'est lorsque le pied a complètement décollé du sol, y compris les orteils. Le début de l'avancement, c'est lorsque le pied commence à s'avancer. La fin de l'avancement, c'est lorsque le pied est sur le point de s'abaisser. Il y a un temps d'arrêt avant que le pied ne commence à s'abaisser. C'est cela la fin de l'avancement. Le début de l'abaissement, c'est lorsque le pied commence à s'abaisser, et la fin de l'abaissement, c'est lorsque le pied a touché le sol. La deuxième façon de faire six notes à chaque pas consiste à noter chaque fois l'intention et ensuite le mouvement lui-même. Intention de lever le pied, mouvement d'élévation, intention d'avancer le pied, mouvement d'avancement, intention d'abaisser le pied, mouvement d'abaissement. L'intention est un processus mental, un processus qui appartient à l'esprit. Le mouvement lui-même est un processus qui appartient à la matière. Chaque fois que vous allez noter, vous le faites donc par paire, esprit et matière. Si cette façon de procéder vous semble peu efficace, vous pouvez vous contenter de faire 4 ou éventuellement 5 notes à chaque pas. Vous devrez alors vous y prendre de la façon suivante. Lorsque vous êtes sur le point de lever le pied, si l'intention de lever le pied vous apparaît de façon très claire, vous notez cette intention. C'est la première note. Cette intention est suivie du mouvement d'élévation et vous notez ce mouvement vers le haut. C'est la deuxième note. Lorsque vous êtes sur le point d'avancer le pied, si cette intention d'avancer le pied ne vous apparaît pas de façon très claire, vous ne la notez pas. Par contre, vous allez expérimenter le mouvement vers l'avant. Vous notez ce mouvement, c'est la troisième note. Lorsque vous êtes sur le point d'abaisser le pied, il se peut que vous ne perceviez pas l'intention d'abaisser ce pied. Vous ne notez donc pas l'intention. Par contre, ce que vous allez noter, c'est le mouvement d'abaissement du pied que vous percevez clairement. C'est la quatrième note. Au total, vous avez donc fait 4 notes pour un pas. Si vous choisissez de faire 5 notes à chaque pas, au moment où vous avez l'intention d'élever le pied, vous notez l'intention. Ensuite, vous élevez le pied et vous notez ce mouvement d'élévation, c'est la deuxième note. Vous avez l'intention d'avancer le pied et vous notez cette intention. Vous notez également le mouvement d'avancement, cela fait 4 notes. Si l'intention d'abaisser le pied n'est pas claire, vous ne la notez pas, mais ce que vous notez par contre, c'est le mouvement d'abaissement du pied, ce qui fait au total 5 notes. Je vous ai expliqué comment vous devez procéder pour faire 4, 5 ou 6 notes à chaque pas. La dernière façon de faire 6 notes à chaque pas consiste à noter de la façon suivante. Levez le talon, levez le pied, avancez, abaissez, touchez, pressez. Vous commencez donc par noter le talon qui décolle du sol, ensuite le mouvement d'élévation du pied. Vous notez ensuite le mouvement d'avancement, l'abaissement du pied, vous notez le moment où le pied touche le sol, et enfin, vous notez le pied qui s'appuie fermement sur le sol pour permettre à l'autre pied de s'élever. Ceci est donc encore une autre façon de faire 6 notes à chaque pas. Ceci termine les instructions concernant la façon dont vous devez vous y prendre pour noter pendant la méditation assise et pendant la méditation en marche. Vous qui avez entendu cet enseignement, puissiez-vous mettre ces instructions en pratique et méditer correctement. Puissiez-vous tous acquérir l'aptitude à contempler sans difficulté. Puissiez-vous tous développer rapidement la sagesse et réaliser le noble Dhamma. Puissiez-vous tous expérimenter le Nibbana, libre de toute souffrance, réalisant ainsi votre but. Sadhu, sadhu, sadhu. The tongue is now fairly complete.